Et bienvenue, vous êtes sur l'émission Tu la sens la liberté. Donc c'est un hors-sujet sur la thématique de l'anarchie, la thématique du diable, et enfin on va aborder la thématique de l'amour avec Lolo Dudu. Et du coup, explique-nous Laura ce que tu penses de l'anarchisme. Alors l'anarchisme, d'après moi, c'est une... comment dire, c'est comme des tribus organisées autour d'un noyau principal qui forme un gouvernement libertaire et en même temps tout à fait apolitique et qui, par ce moyen, ne va pas chercher à empiéter sur le territoire d'autrui. C'est-à-dire que c'est une sorte d'autochtonie, si je puis dire, qui fait que chaque tribu suffit à sa cause et suffit à sa perte. Et chaque tribu, indépendamment les unes des autres, vit en autonomie. Et du coup, n'a pas cet impératif belliqueux que peuvent avoir d'autres nations et d'autres formes de gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de ce que je viens de dire ? Bah, j'ai l'impression que tu es en train d'empiéter sur la notion de l'anarchisme selon Nestor Makhno, qui s'inscrit dans une volonté de rendre l'Assemblée générale, l'assemblée locale comme l'assemblée souveraine. Et j'ai l'impression que tu nous expliques une certaine forme de confédéralisme libertaire. Est-ce que je me trompe ? Un confédéralisme, mais qui s'ignore. C'est-à-dire que chaque tribu ignore l'existence de l'autre et par ce biais se suffit à elle-même, se crée une subsistance tout à fait solitaire et non belliqueuse. J'ai un exemple en Mandchourie. Il y a plusieurs tribus qui existent et qui survivent tout à fait intégralement et indépendamment les unes des autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'envahisseurs apparemment pendant longtemps en Chine, avant les Japonais. Parce que l'État, on ne pouvait pas parler d'État évidemment, mais le territoire chinois était anarchiste et ne dépendait pas d'un gouvernement à chambre et à parlement. Et... Voilà. Donc, tout ce que je voulais dire, c'était que en Mandchourie, il existait plusieurs tribus qui ne dépendaient absolument d'aucun gouvernement et qui ne rentraient pas en conflit. C'était seulement dû au fait qu'elles ignoraient les existences les unes des autres. D'accord. Et du coup, sur l'anarchisme, je ne sais pas si tu as lu Dieu et l'État de Bakounine. Non. Mais je connais. Ouais. Les idées de Bakounine. D'accord. Et du coup, là, on parlait du confédéralisme, du fait que les tribus sont confédérées entre elles, à travers une alliance de mutualisme, on va dire. Et du coup, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de l'anarchisme sans évoquer la question de Dieu, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'il me semble que lorsqu'on est anarchiste, on remet en cause, disons, l'ordre établi. Et c'est vrai que la question de Dieu, telle qu'elle a été conçue au XIXe siècle, c'était une logique vachement oppressive, quoi. Et c'est pour ça que Marx, il va nous dire que... la religion est l'opium du peuple. Et les anarchistes, ils s'inscrivent un peu dans cette thématique-là, quoi. C'est la thématique de rejeter le pouvoir du clergé qui dominait qui dominait l'ensemble de la sphère, quoi. C'était un côté très oppressif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un certain changement, mais on constate que par exemple en Amérique latine ou en Amérique du Nord, le clergé et les différents courants du protestantisme sont vachement oppresseurs, quoi. Il y a la morale et on est face à des cubénis. Oui, mais l'anarchisme est nationaliste, quelque part, parce que chaque anarchisme est l'œuvre d'une nation. L'anarchisme, c'est une forme de réaction par rapport à une norme établie. C'est en quelque sorte du marginalisme, mais politique. L'anarchisme, pour moi, c'est pas du tout apolitique. C'est apolitique primitivement, dans le cadre de ce que je venais de dire à propos de la Mandchourie. Mais c'est absolument pas apolitique lorsqu'on en parle aujourd'hui et qu'on pense à nos gouvernements actuels. Pour une simple et bonne raison, c'est que, comme tu viens d'en parler, quelque part, c'est que y a des modèles économiques contre lesquels on peut s'opposer, envers lesquels on peut avoir des réticences. Et ça, est-ce que c'est pas déjà un début de forme d'anarchisme, où l'anarchisme se positionne et comment peut-il évoluer dans un monde comme le nôtre, sans parler des civilisations primitives, hein, Pierrot? Bah, il me semble que quand tu fais référence aussi aux civilisations primitives, on est clairement dans le livre Introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg. Et dans ce livre, elle explique justement que la question de la monnaie, avant la monnaie, il y avait un certain communisme, on va dire. C'est-à-dire que les gens vivaient en communauté, travaillaient en communauté. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que l'époque du néolithique, faut pas faire d'anachronisme, est-ce que le néolithique finalement, dans sa transformation qui a laissé place à la monnaie, c'est pas un certain idéal, quoi? C'est un idéal, mais un idéal capitaliste et démocratique, absolument pas anarchiste, à mon avis. Et pourquoi ce serait pas un idéal anarchiste? Parce qu'il y avait déjà l'idée de troc, de communauté, justement, d'échange entre communautés et entre groupes, et entre groupuscules. Et qu'est-ce que t'appelles les groupuscules? Les groupuscules, c'est ce que j'appelle les groupuscules, c'est des mini-sociétés organisées, repliées sur elles-mêmes, qui ont un idéal de vie qui n'est pas positionné sur des dogmes, ni sur des croyances, mais sur des habitudes en fait. C'est les habitudes qui ont été héritées les unes des autres auprès de chaque tribu. Et d'où viennent ces habitudes, j'en sais rien, je ne suis pas anthropologue. Et du coup, tu nous expliquais que ces groupuscules, ces petites tribus, c'est-à-dire ces hameaux, ces petits villages, finalement, c'est à partir de la sédentarisation qu'est né le capitalisme. C'est ce que tu nous expliques entre les lignes. Oui, tout à fait. Et notamment la sédentarisation au bord de l'eau, bien sûr, pour que le commerce puisse couler. Et au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Et du coup, qu'est-ce qu'une société anticapitaliste peut faire sans la question du commerce? C'est une vaste question, cher Pierrot. Une société capitaliste, que peut-elle faire sans le commerce? À mon avis, ce serait une antithèse totale. Et un non-lieu. Parce que sans monnaie, sans argent, sans troc, sans échange, je pense qu'il n'y a pas de capitalisme, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de relation dominant-dominée, et finalement, il n'y a pas de subsistance. Et du coup, je parlais d'une société anti-capitaliste, pas d'une société capitaliste. Mais c'est pas Fous-toi de grave. ma gueule! Mais c'est pas grave. Et du coup, la question de l'autarcie actuellement, c'est une vaste question, parce que on le voit progressivement à travers le Brexit, à travers le référendum contesté en Catalogne, à travers les différents mouvements régionalistes, il y a une certaine forme de repli sur soi. Et l'anarchie, parce que c'est quand même notre point de départ, l'anarchiste, comment il peut se positionner face au repli régionaliste? Bah, l'anarchiste, comme le régionaliste typique, est en recherche d'identité, je pense, dans ce monde tout à fait uniforme et uniforme, quoique diversifié et cosmopolite, mais uniforme dans le mode de vie. On est quand même dans un mode de vie assez uniformiste. Je dis pas pour ne pas dire conformiste et je pense que chacun est en recherche de mythologie individuelle en opposition à des mythologies collectives. Je pense que le régionalisme et le capitalisme tentent de s'imposer comme des déguisements, des panoplies qui habilleraient un groupe de personnes qui est favorisé par rapport à un autre, voilà. Et du coup, tu es en train de nous expliquer que finalement, que le régionalisme s'ancre typiquement dans le capitalisme. Ah oui, complètement. Et pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu nous expliquais que justement, que le fait du capitalisme qui s'ancre dans le régionalisme, ça crée une certaine forme de repli identitaire. Et le problème, c'est qu'on le voit avec les crises successives du capitalisme. Et d'ailleurs, on est au bord d'une prochaine crise. La question du nationalisme et du régionalisme font partie disons, de la poche de résistance du capitalisme. Parce que si le capitalisme, il s'autodétruit, parce que le capitalisme, il a plein de ressources pour subvenir, alors les capitalistes, ils voient dans les mouvements régionalistes comme une certaine forme de bras droit qui peut leur permettre de subsister, de donner un nouvel élan. Un nouvel élan à quel niveau? Parce que la Catalogne est quand même bien plus riche que le reste de l'Espagne. Bah Par c'est exemple. vrai qu'on peut prendre deux mouvements régionalistes, la Catalogne et on va dire le nord de l'Italie. Et on constate effectivement que les provinces riches ont tendance à plutôt vouloir l'autonomie et l'autodétermination par rapport aux provinces pauvres qui sont plus dans une logique étatique, quoi. Mais dans le même temps, on a une contradiction parce que on prend l'Écosse, qui est dans une logique actuelle de vouloir son indépendance, mais elle n'est pas dans une logique de rompre avec la logique régionaliste qui peut existait au sein des différents groupes des différents pays de l'Union européenne. Et parce que l'Écosse et le nationalisme écossais, c'est pas, ça s'ancre typiquement dans un internationalisme. Et ça, c'est assez abstrait parce que on pourrait se dire il y a différentes formes de régionalisme, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on va vers une globalisation du régionalisme en Europe, quoi? Je pense qu'une globalisation du régionalisme en Europe serait parallèle à une montée du populisme. À savoir que on est de moins en moins ancré dans une idée, je dis bien une idée et pas une démocratie en tant que telle. On est de moins en moins ancré dans une idée de démocratie, de vie commune et de pouvoir pour tous, mais beaucoup plus dans une forme de recherche identitaire et une recherche identitaire qui est ni malsaine ni saine finalement, qui est juste due au fait dû au fait de je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, pour te répondre, Pierre, l'Écosse est quand même beaucoup moins riche que la Catalogne. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de mal à s'affirmer. C'est parce que la logique de l'Écosse, c'est dans une logique, dans le cadre du Brexit, c'est dans une logique de rester dans l'Union européenne. Alors que l'Angleterre, l'Irlande du Nord, les Pays de Galles, on va dire, ils sont majoritairement en faveur de la sortie de l'Union européenne. Et on constate que les manifestations nationalistes en Écosse, elles s'ancrent dans le cadre d'un nationalisme de libération. C'est-à-dire ils veulent en finir du joug de la couronne, finalement. Ils sont dans une logique d'autodétermination, mais pas la même autodétermination que le nord de l'Italie et par exemple la Catalogne, comme on vient de le dire. Je vais t'avouer que le nord de l'Italie, je suis absolument pas au courant. L'Écosse et la Catalogne, je suis au courant. Comme je viens de te le dire, je pense que c'est une question d'argent et de... Je pense que c'est des régionalismes qui n'ont pas lieu d'être comparés parce que c'est presque des antithèses. Je suis d'accord avec toi. Merci. Du coup, on va faire une petite pause et après on va se questionner sur la question du diable. Parce que le petit diablus, il est toujours présent dans nos petites vies. Et les diablotins, ils existent. Et tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Allez, à tout de suite. Oui, et bon diabolo. Et donc, nous venons d'écouter la chanson Woman to Woman de Joe Cocker, qui nous introduit sur la question du diable. Parce que il faut savoir que les sorcières, ont, durant l'époque du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, ont été considérées comme les formes du diable, quoi. Et donc, Woman to Woman, ça m'a inspiré cette... ce sujet. Mais pourquoi Woman to Woman, tu insinues que les lesbiennes sont des petits diablotins sur pattes ? Non, c'est pas ce que j'insinue, mais... Enfin, si. aux yeux de l'Église du Moyen-Âge et de la Renaissance, les femmes et toutes les formes de... Toutes les femmes, les sorcières et les lesbiennes, les homosexuels et j'en passe, ont été traquées au nom finalement de Satan et du diable, quoi. Et il faut savoir que le dernier homosexuel qui a été, il me semble qu'il a été brûlé vif, ça date quand même de 1790, quoi. C'est-à-dire il y a eu... une longue persécution qui aboutissait jusqu'à la mort, quoi. Pierrot, j'espère que le dernier homosexuel, et j'ai foi en ce que tu dis, et j'espère avec toi que le dernier homosexuel a été brûlé en 1790, mais ça m'étonnerait. À mon avis, c'est beaucoup plus récent. Enfin bref, tout ça pour dire que les homosexuels ne sont pas des diables, et les diables ne sont pas les homosexuels. Les diables sont plus de reptiliens... dark, quelque chose comme lumineux en même temps. C'est le clair-obscur tout à fait incongru du Caravage, de Rembrandt et de Laura Dupuis. Et du coup, sur la question du diable, moi je trouve que ce qui est drôle... Parce qu'il faut en rire du diable, hein, parce que si on n'en rigolait pas, le diable, il ne se taperait pas des barres. Et en fait, sur les cathédrales, il y a des gargouilles, et tout le monde connaît les petites gargouilles. En fait, ça a la forme du diable, d'une certaine manière. Et ce qui est assez ironique, c'est que... les sociétés médiévales et même les sociétés post-médiévales, bah, ils se faisaient peur avec le diable, quoi. C'est comme les histoires qu'on raconte aux enfants, quoi. C'est avec comme le Space diable. Mountain. Ah, je connais pas le Space Mountain. Bah, écoute, Disney, enfin. Ah, c'est possible. Et du coup, c'était l'idée un peu attrape-moi, fais-moi peur, quoi. Oui. Tout à fait. Et en même temps, il y a une idée de lumière et de... Oui, une idée de burlesque qui émane du diable. C'est à la fois terrifiant et à la fois hallucinamment drôle comme sujet. C'est l'objet de toutes les dérisions et en même temps l'objet de toutes les terreurs. Et la terreur, qu'est-ce que ça t'insuffle, ça te donne comme vision ? Moi, la terreur, je la tourne automatiquement en dérision. Peut-être parce que j'en suis trop investi au naturel. Et c'est vrai que quand je dessine, je me décharge de toutes ces peurs. Je fais ma catharsis en dessinant, en lisant, en me créant des univers tout à fait burlesques. Si tu voyais mes diables, enfin tu les as déjà vus, ils sont tout à fait offusqués par une pin-up en train de prendre son bain dans un verre de vin. Ils sont tout à fait offusqués par des serpents qui sifflent sur, dans la coupe d'un Graal. Enfin, c'est des diables... C'est des diables divins, joyeux. Des diables joyeux et des diables divins qui s'offusquent pour un rien et qui sont presque plus innocents que Dieu. Et du coup, tu disais, si le diable est plus innocent que Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il n'est pas innocent. Non, Dieu est loin d'être innocent. C'était un euphémisme. C'était bien ce qui me semblait. Non, Dieu est loin d'être innocent. Enfin, ça dépend de quel dieu on parle. Si on parle de Zeus, moi j'ai déjà fait le tonnerre de Zeus au parc d'Astérix. C'est absolument pas innocent. Enfin bon, parlons de Dieu dans la religion chrétienne et la mythologie chrétienne. Parce que la mythologie chrétienne est une religion et la religion est une mythologie. Excusez-moi, au blasphème. Le diable le diable c'est l'antéchrist, c'est le Christ mais en symétrie, c'est-à-dire que on retourne la page. Si on a un Christ imprimé sur une page, on retourne la page, c'est le diable. C'est un diable qui est débonnaire, qui est bonhomme, et absolument pas terrifiant. Je pense que le diable est notre allié dans la vie. Et s'il est notre allié, ça me fait penser à... Parce que si on parle du diable, on est obligé de parler du satanisme. Parce que je pense que les deux vont ensemble. Et dans le satanisme, il y a une certaine forme de recherche de la liberté, quoi. Là, je ferai un parallèle qui peut être un peu osé, mais dans le satanisme, il y a une certaine forme d'anarchisme, finalement. J'y pensais, mon cher Pierre. À cet anarchisme qui est englobé dans l'image du diable et qui est incarné par le diable, figurativement et dans le symbole. Mais moi, je vais te dire très sincèrement, le diable, pour moi, est bien plus sympa que Dieu. Bien plus fun, bien plus apte à fournir une imagerie pour les illustrateurs, pour les créateurs de bandes dessinées, pour les tatoueurs, pour tous ceux qui créent le monde des images, pour les fabriqueurs d'images, les fabricants d'images. Et du coup, si le diable, il est fun, c'est-à-dire que Dieu n'est pas fun. Voilà. c'est parce que le problème, c'est qu'avec Dieu, on ne sait pas trop comment le représenter. Alors que le diable, il y a tout un imaginaire sur lui. Oui, il y a tout un mode illustratif sur le diable. Il a des cornes, il a une queue. Il est plus ou moins rouge, plus ou moins noir, plus ou moins blanc. Il peut incarner, en fait, absolument toutes les faces. Le diable, c'est aussi le retournement carnavalesque du monde. C'est-à-dire que le roi est à califourchon sur un âne à l'envers et que le paysan ou le cerf, enfin le cerf de manière générale, trône sur un siège avec une couronne. Et le diable est aussi le renversement de tous les sens. Et de tous les sens, je veux dire, je fais un parallèle avec Rimbaud. Je vais évoluer un peu là-dessus, sauf si tu veux me couper la parole, Pierre. Non, je te laisse la parole, mais il faut s'écarter un peu plus du micro, par contre. D'accord. Merci. Non, Rimbaud parlait de dérèglement de tous les sens. Et en fait, je pense qu'il n'y a qu'un... qu'il n'y a qu'une essence... personnel diabolique qui peut faire dire ça. Le dérèglement de tous les sens, comment veux-tu apparaître sous LSD, avoir le dérèglement de tous les sens ? Il faut être investi par le diable. Il faut être investi par quelque chose qui va à contre-courant de ce qu'on ressent habituellement, de ce qu'on perçoit habituellement. Voilà, donc le dérèglement de tous les sens dont parle Rimbaud, c'est le diable. Et du coup, le dérèglement des sens, c'est-à-dire que les produits qui modifient le comportement, qui modifient la perception des sens, seraient habités par le diable ? Par un diable bien artificiel, à mon avis. Et qu'est-ce que t'appelles par un diable artificiel ? Un diable en carton. C'est-à-dire que si c'est par le biais des produits, c'est les produits qui sont diaboliques, mais ce n'est pas le diable qui te fait face lorsque tu prends les produits. C'est un diable artificiel, un diable en carton, un diable de pacotille, un diable chopé dans les cités pour 30 euros le gramme. D'accord. Et du coup, on en revenait sur la question du diable. Le diable, finalement, c'est quelque chose d'assez chimérique, quoi. Et lorsqu'on parle du diable, c'est vrai que tu nous parlais de mythologie chrétienne, mais il y a d'autres mythologies, quoi, parce que chez les musulmans, ils ont aussi leur diable, quoi, finalement. C'est le shaitan, quoi. Oui, bien sûr, et dans la mythologie scandinave, il y a Loki. Loki qui est le dieu ambivalent par excellence. Et moi, c'est ce diable-là que j'aime, c'est ce dieu-là que j'aime, parce que le diable est un dieu, et c'est un dieu ambivalent, qui est à la fois bon et mauvais, qui est à la fois lumière et obscurité, qui est à la fois créativité et anéantissement de tout élan vital. Et c'est ce diable-là que j'aime, moi. C'est le diable vraiment scandinave, mythologique, onirique, chimérique et illustré. Et s'il est illustré, c'est-à-dire que tu l'illustres de plein de formes différentes, quoi. Oui, tout à fait. Il peut être sérieux, mais la plupart du temps, il déconne. C'est-à-dire que le diable, il est rigolo, hein. Oui, il est plutôt drôle, le petit. c'est les petits diablotins qui sont autour d'un feu et qui dansent avec les mains en l'air et en chantant, en riant. Il irradie de mille feux. C'est ça. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Du coup, on va passer sur une autre thématique. On va passer sur la thématique de l'amour. Et on va s'écouter une chanson qu'on trouvera à l'arrache. A tout de suite. Mais les petits. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Et donc, pour clore cette émission, nous allons parler de l'amour. C'est l'émission Tu la sens, les libertés. Alors, Laura, qu'est-ce que tu penses de l'amour ? Coup de foudre, amour passionnel, amour vanité, comme dirait Stendhal, amour intéressé, comme dirait la France actuelle. Je ne sais pas. Et toi, Pierrot ? Bah moi, c'est vrai que sur la question de l'amour, je vais faire un aveu. Moi, j'y crois plus dans ce qui est mon cas. Mais je pense que l'amour, c'est quelque chose de qui peut être très profond. Et c'est vrai que l'amour, ça nous rend amoureux, quoi. Bah écoute Pierrot, si tu crois plus en l'amour, je pense que c'est parce que celle dont tu es amoureuse est prise, non ? Non. Et c'est vrai que je pense que la question de l'amour, c'est une question vachement complexe, quoi. Parce qu'il y a différents types d'amour. Et moi, je suis vraiment pas calé sur ce sujet-là. T'as déjà été amoureux ? Oui, j'ai déjà été amoureux. Qui est calé sur ce sujet ? Qui est capable d'exprimer à quel point il aime une personne ? Qui est capable de décrire son amour ? Qui est capable, à part Cupidon, de dessiner les contours d'une flèche ? Sauf que si on parle de Cupidon, on est dans la mythologie, quoi. Une fois de plus, on rentre dans le symbole. C'est peut-être pour mieux évincer les discussions, Pierrot. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, si Cupidon, il existait, je pense que en ce qui me concerne, il m'a bien oublié. Il y a aussi l'amour de soi. Est-ce que tu t'aimes ? Tu te regardes dans le miroir, Psyché ? Qu'est-ce qu'elle te dit, Psyché ? Je me regarde dans ma boule de cristal et ça me fait penser à Blanche-Neige. Oh mon miroir, oh mon beau miroir. Et oui, il a baigné dans les Disney, les Pokémon, le pauvre, je le plains. Bon, chacun son univers. Moi, je te parlais plutôt de Psyché en tant que miroir. Que te dit Psyché en tant que miroir, ton propre miroir, pas celui de Blanche-Neige ou ta Psyché à toi ? Ben, c'est vrai que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai une représentation de mon propre moi qui n'est pas celle que je perçois à travers mes yeux, quoi. C'est-à-dire que lorsque je regarde le miroir, la personne que je vois, c'est pas la personne à laquelle je m'identifie, quoi. C'est assez bizarre. Et quand je me regarde sur une photo, par exemple, je me dis, ah, c'est pas la même personne dans laquelle je suis, quoi. C'est assez schizophrénique ce que je suis en train de dire. Oui, mais... complètement. Et j'ai l'impression, quand je me regarde, d'avoir un dédoublement de la personnalité. Et parce que le cliché, le miroir... et même l'audio, j'ai l'impression de découvrir une autre personne, quoi. Et ça, c'est totalement assez abstrait. Mais c'est vrai qu'il y a certaines images où je me dis, je suis bien, et il y en a d'autres où je me dis, non, là, c'est pas moi. Et il faut du temps aussi pour accepter le regard de soi dans le miroir. Parce que... on va pas passer notre temps à regarder le miroir. Parce que sinon, là, ce serait de l'égocentrisme. Mais tu sais, Pierrot, qu'est-ce qui paraît ? C'est ma mère qui me l'a suggéré, mais moi, j'y crois. J'adore le « mais moi, j'y crois ». C'est-à-dire que ma mère, je lui porte beaucoup de crédit d'origine. Non, je plaisante. J'aime ma mère et je lui porte beaucoup de crédit. Bref, elle m'avait dit un jour, quand on se regarde dans le miroir... on est plus beau que d'ordinaire parce que justement on se regarde et on a envie de se voir beau. Alors sans y penser, on se fait des yeux doux, un petit sourire, un air charmeur qu'on n'a pas forcément au quotidien quand on est dans le RER et qu'on regarde dans le vague. Certainement. Et du coup, sur la question de l'amour, l'amour a été beaucoup chanté dans les chansons. Et je pense aux Doors, quand Jim Morrison il disait Love me two times, aime-moi deux fois. Et c'est un peu ça, quoi. C'est s'aimer soi et s'aimer la personne, quoi. Ah, tu entends ça par ça? Moi, je pensais plutôt Love Me Two Times, aime-moi une première fois aussi passionnément. Aime-moi une deuxième fois aussi passionnément que tu m'as aimé la première. Peut-être. Mais c'est. On va justement, on va essayer s'écouter Love Me Two Times et on va réenchaîner sur la question de l'amour. Parce que je pense qu'il faut l'écouter, quoi. Adios, mi amor. Twice today, love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Et donc, on vient de s'écouter Love Me Two Times des Doors. Et on va entrer dans la deuxième partie de notre thématique sur l'amour. Qui durera 5 minutes, rassurez-vous. Bah, elle va pas durer très longtemps parce que c'est pas le tour, mais l'horloge elle tourne. L'horloge tourne et Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, alléluia. Mes frères. Oui, frère Pierre. Sœur Laura, je me présente. Je m'appelle frère Pierre. Oui, bon, reprenons la thématique de l'amour. Alors, qu'en pensez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs? Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié,